L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce trou noir supermassif de 1 milliard de masses solaires se trouve au sein du quasar nommé 3C186. Mais ce quasar a une particularité notable. Il ne coïncide pas avec le centre de sa galaxie hôte. Et une équipe d'astronomes montre qu'il est en train de se déplacer à grande vitesse. Alors que d'autres cas semblables de trous noirs supermassifs en mouvement ont été suspectés dans le passé, aucun n'a pu être confirmé à ce jour. Le cas de 3C186, observé par le télescope Hubble, semble lui montrer des indices plus robustes. Ce que montrent les images de Hubble, c'est tout d'abord la position excentrée de l'émission intense du quasar par rapport au reste de la galaxie. Marco Ciaberge, du Space Telescope Science Institute, et son équipe ont pu observer 3C186 non seulement avec Hubble, mais aussi avec Chandra en rayon X et avec le Sloan Digital Sky Survey. Les chercheurs ont calculé la distance du trou noir vis-à-vis du centre de la galaxie en comparant la distribution de lumière observée par rapport à celle d'une galaxie elliptique normale du même type. Ils trouvent une valeur de 35 000 années-lumière, une distance plus importante que la distance du Soleil du centre de la Voie lactée. À partir de données spectroscopiques obtenues par Hubble, les astrophysiciens ont pu estimer non seulement la masse du trou noir, mais aussi la vitesse du gaz à proximité du monstre. Et le résultat les a surpris. Le gaz s'éloigne du centre de la galaxie à la vitesse de 2100 km par seconde. Mais ce gaz est gravitationnellement lié au trou noir. C'est donc le trou noir qui s'éloigne du centre de la galaxie à plus de 2000 km par seconde. Pour donner une idée de cette vitesse faramineuse, elle permettrait de faire le trajet Terre-Lune en 3 minutes. Connaissant la distance du centre et la vitesse, on peut alors calculer depuis combien de temps le trou noir a quitté sa position naturelle. Environ 5 millions d'années. Et en se projetant dans le futur, on constate que le trou noir supermassif quittera inéluctablement sa galaxie dans seulement 20 millions d'années, pour parcourir l'univers tout seul avec un peu de gaz. Les images de Hubble montrent un indice intéressant qui a aidé les spécialistes à savoir quelle était la position initiale du trou noir et surtout à comprendre ce qui a pu se passer là-haut. Des traînées de marée, structure arquée symptomatique de cas de collision de galaxies. Cette information est capitale car elle permet de comprendre pourquoi ce trou noir serait en train de s'échapper à grande vitesse de sa galaxie. Résultant d'une fusion de deux galaxies, la galaxie de 3C186 aurait connu la fusion des deux trous noirs supermassifs des galaxies initiales. Marco Ciaberge et ses collaborateurs montrent comment une telle fusion aurait pu produire la propulsion observée du trou noir résultant. Avant de fusionner, les deux trous noirs spiralent l'un vers l'autre en émettant quantité d'ondes gravitationnelles. Mais d'après les astrophysiciens, si les deux trous noirs ont des masses et des axes de rotation assez différents, le couple émet des ondes gravitationnelles de manière asymétrique. Elles sont plus fortes dans une direction que dans l'autre. Et au moment de la fusion, l'émission d'ondes gravitationnelles s'arrête brutalement. Mais les ondes gravitationnelles émises juste avant ont pour effet de faire reculer violemment le trou noir dans la direction opposée à celle des ondes les plus fortes. Ce type de phénomène est considéré être plutôt rare lors de la fusion de trous noirs supermassifs. Marco Ciaberge et ses collaborateurs évoquent tout de même une alternative possible à cette explication, mais très peu probable selon eux. Le quasar observé pourrait se trouver en arrière-plan de la galaxie interprétée comme la galaxie hôte. Mais bon, aucune galaxie ne semble accompagner ce quasar dans ce cas. Les chercheurs américains pensent déjà effectuer de nouvelles observations avec Hubble, cette fois-ci associées avec des images en ondes submillimétriques du réseau ALMA, afin de mieux calculer encore la vitesse apparente du quasar et de son trou noir. Un objet à suivre de près. L'article de Marco Ciaberge et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics en date du 30 mars 2017. Le titre est le suivant, The Puzzling Case of the Radio-Loud QSO 3C-186, a Gravitational Wave Recalling Black Hole in a Young Radio Source? Point d'interrogation. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselao.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des trous noirs errants se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut !